réel problème dans le monde du rap aujourd'hui, ou est-ce que justement il y en a et les gens veulent pas, le mettre sur la table? L'argent, c'est le nerf de la guerre. Bien sûr que c'est un problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il y a de l'argent. Le rap, ça vend des disques toujours. Tu regardes à la télé, il y a des reportages, t'entends des beats, que des beats de hip-hop derrière. Ça n'a rien à voir, t'entends que du rap partout. Sauf que personne ne développe les artistes rap. Et les rappeurs ne prennent pas d'oseille. Même si, contrairement à ce qu'ils veulent faire croire aux gens, ils prennent pas d'argent. Et aujourd'hui, le buzz, la politique du buzz, c'est la carotte du siècle. Moi, que le mec il me parle de buzz, j'ai envie de me battre avec lui. Faut pas me parler de buzz, me dire le buzz. Combien de mecs ils ont eu buzz, ils sont où? J'ai plus, j'ai pas, d'ailleurs j'ai jamais voulu être poli parce que les gens te captent crash, je suis te suce ou bien te lâche. Pupi, je suis blas, dès leur buzz me tue, souvent m'achève. Certains pour du taf ou bien des thunes viennent me lastiquer. CB, CBL, rien que t'es belle, souvent t'essayes, souvent tu m'écoutes mais jamais tu payes. T'attends que je te parle et te blesse, ou te parler de mes belles, ou que je te parle de ce putain de rap qui fait que je convoque ma feuille. Je suis bien à part et tapis, j'ai bien obligé, ralenti le beat. Je crois que tu kifferais être mon DJ. Mais rares sont les castings, les places libres sont des places prises. Quelques PD se mettent la langue au cul vu que je les ai cassés. Je suis pas strict, non, ils font ce qu'ils veulent. Et puis j'ai capté tout comme les gays, les rappeurs aussi se multiplient. Vous du rap, je te jure, vous n'aimez pas les salopes que je traite. On en plein le cul, mais lève les bras. Who's flying in the G5 airplane? Me. Make a bitch dear to plus. Hustle hard in any hustle that you pick. What more can I say? Make a bitch dear to plus. Who's flying in the G5 airplane? Me. Make a bitch dear to plus. All I did was give you a style for you to run with. What more can I say? Et t'as des plans de tu n'en sais de tu t'engraisses quand mes putains de se baissent et parlent d'entraide. Mais bon, un jour ou l'autre en béton on trébuche, on capte, on nettoie. On est con coupable à la fois, on écoute que le diable. On est 300 et plus à faire cette merde rap. Musique tu m'entends, tu me sens, mais où m'emmènera? Tu comprends ma position si jamais je rate. Mais sache qu'aucun de ces fils de pute m'aurait, je te rassure. À rapper dans le vent, j'ai capté l'air du temps. Y'a que la daronne qui subissait des grosses punchlines, en gros des mots de ventre. Le mur du talent t'énerve, c'est souvent sur le chemin de la réussite s'annonce les merdes. Et je marche en plein temps, en plein bon. Bref, j'en ai plein de pentes. Le son pour moi ne sera jamais un job à plein temps. Maintenant, je veux pas mon heure car ici c'est la mort. C'est PD, les saps serrés, le vocodeur sont encore à la mode. Who's flying in the G5 airplane? Me. Make a bitch dear to plus. Hustle hard in any hustle that you pick. What more can I say? Make a bitch dear to plus. Who's flying in the G5 airplane? Me. Make a bitch dear to plus. All I did was give you a style for you to run with. What more can I say? Et j'arriverai pas à me faire, peu importe le thème. Je peux sais pas si je peux palper, mais pas si j'ai une fraîche paire de basket. Mais qui tu crois, moi? Qui t'invite à boire, moi? Qui va me sucer la bite et qui va finir à poil? J'ai du mal à ressentir la défaite. Pour moi c'est improbable comme viser la lune en baissant la tête. Peut-être que j'ai tort mais t'inquiète, je suis déterti. J'enquête sur ton cadavre, on a dû me prendre pour un détective. Et si tu cliques, tu dois savoir j'ai tapé pour ça, crois-moi. Car t'auront les gens diront que je me crois noir. Pourquoi parler de gun si t'en as jamais touché? Pour ça je dirais jamais t'es bonne vu que je t'ai pas encore goûté. Grandiose à trois couplets. Prends l'air ou bien coupé, cabriolet. Arrêtez de dire non, de faire crayon lait. Dis-moi qui tu baisses, je te dirai si tu pèses. Gros, la seule manière de me tuer sera de me tirer sur le pec gauche. Who's flying in the G5 airplane? Me. Make a bitch dear to plus. Hustle hard in any hustle that you pick. What more can I say? Make a bitch dear to plus. Who's flying in the G5 airplane? Me. Make a bitch dear to plus. All I did was give you a style for you to run with. What?